Voici une lecture par Martine du roman de Pierre Loti, Pêcheur d'Islande. Troisième partie, chapitre 12. L'été s'avança, et à la fin d'août, en même temps que les premiers brouillards du matin, on vit les Islandais revenir. Depuis 3 mois déjà, les deux abandonnés habitaient ensemble à Ploubazlanec, la chaumière des Mohans. Go avait pris place de fille dans ce pauvre nid de marin mort. Elle avait envoyé là tout ce qu'on lui avait laissé après la vente de la maison de son père. Son beau lit à la mode des villes et ses belles jupes de différentes couleurs. Elle avait fait elle-même sa nouvelle robe noire d'une façon plus simple, et portait, comme la vieille Yvonne, une coiffe de deuil en mousseline épaisse, ornée seulement de plis. Tout le jour, elle travaillait à des ouvrages de couture chez les gens riches de la ville, et rentrait à la nuit, sans être distraite en chemin par aucun amoureux, restée un peu hautaine, et encore entourée d'un respect de demoiselle. En lui disant bonsoir, les garçons mettaient, comme autrefois, la main à leur chapeau. Par les beaux crépuscules d'été, elle s'en revenait de Paimpol, tout le long de cette route de falaise, aspirant le grand air marin qui repose. Les travaux d'aiguille n'avaient pas eu le temps de la déformer, comme d'autres, qui vivent toujours penchés de côté sur leur ouvrage. Et en regardant la mer, elle redressait la belle taille souple qu'elle tenait de race. En regardant la mer, en regardant le large, tout au fond duquel était Yann. Cette même route menait chez lui, en continuant un peu vers certaines régions plus pierreuses et plus balayées par le vent, on serait arrivé à ce hameau de Port-Évent où les arbres, couverts de mousse grise, croissent tout petits entre les pierres et se couchent dans le sens des rafales d'ouest. Elle n'y retournerait sans doute jamais dans ce Port-Évent, bien qu'il fût à moins d'une lieue. Mais une fois dans sa vie, elle y était allée, et cela avait suffi pour laisser un charme sur tout son chemin. Yann, d'ailleurs, devait souvent y passer, et de sa porte elle pourrait le suivre, allant ou venant sur la lande rase, entre les ajoncs courts. Donc, elle aimait toute cette région de Ploubazlanec. Elle était presque heureuse que le sort l'eût rejetée là. En aucun autre lieu du pays, elle n'eût pu se faire à vivre. À cette saison de fin d'août, il y a comme un alanguissement de pays chauds qui remonte du midi vers le nord. Il y a des soirées lumineuses, des reflets du grand soleil d'ailleurs qui viennent traîner jusque sur la mer bretonne. Très souvent, l'air est limpide et calme, sans aucun nuage nulle part. Aux heures où Go s'en revenait, les choses se fondaient déjà ensemble pour la nuit, commençaient à se réunir et à former des silhouettes. Ça et là, un bouquet d'ajoncs se dressait sur une hauteur entre deux pierres, comme un panache ébouriffé. Un groupe d'arbres tordus formait un amas sombre dans un creux, ou bien, ailleurs, quelques hameaux à toit de paille dessinaient au-dessus de la lande une petite découpure bossue. Au carrefour, les vieux Christs qui gardaient la campagne étendaient leurs bras noirs sur les calvaires, comme de vrais hommes suppliciés, et dans le lointain, la Manche se détachait en clair, en grand miroir jaune, sur un ciel qui était déjà ténébreux vers l'horizon. Et dans ce pays, même ce calme, même ces beaux temps, étaient mélancoliques. Il restait malgré tout une inquiétude planant sur les choses, une anxiété venue de la mer à qui tant d'existence était confiée et dont l'éternelle menace n'était qu'endormie. Go, qui songeait en chemin, ne trouvait jamais assez longue sa course de retour au grand air. On sentait l'odeur salée des grèves et l'odeur douce de certaines fleurs qui croissent sur les falaises entre les épines maigres. Sans la grand-mère Yvonne qui l'attendait au logis, volontiers elle se serait attardée dans ses sentiers d'ajoncs, à la manière de ces belles demoiselles qui aiment à rêver les soirs d'été dans les parcs. En traversant ce pays, il lui revenait bien aussi quelques souvenirs de sa petite enfance. Mais comme ils étaient effacés à présent, reculés, amoindris par son amour. Malgré tout, elle voulait considérer ce Yann comme une sorte de fiancé. un fiancé fuyant, dédaigneux, sauvage, qu'elle n'aurait jamais, mais à qui elle s'obstinerait à rester fidèle en esprit, sans plus confier cela à personne. Pour le moment, elle aimait à le savoir en Islande. Là au moins, la mer le lui gardait dans ses cloîtres profonds, et il ne pouvait se donner à aucune autre. Il est vrai qu'un de ces jours il allait revenir, mais elle envisageait aussi ce retour avec plus de calme qu'autrefois. Par instinct, elle comprenait que sa pauvreté ne serait pas un motif pour être plus dédaignée, car il n'était pas un garçon comme les autres. Et puis cette mort du petit Sylvestre était une chose qui les rapprochait décidément. À son arrivée, il ne pourrait manquer de venir sous leur toit pour voir la grand-mère de son ami. Et elle avait décidé qu'elle serait là pour cette visite. Il ne lui semblait pas que ce fût manquer de dignité. Sans paraître se souvenir de rien, elle lui parlerait comme à quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps. Elle lui parlerait même avec affection, comme à un frère de Sylvestre, en tâchant d'avoir l'air naturel. Et qui sait? Il ne serait peut-être pas impossible de prendre auprès de lui une place de sœur, à présent qu'elle allait être si seule au monde, de se reposer sur son amitié, de la lui demander comme un soutien, en s'expliquant assez pour qu'il ne crût plus à aucune arrière-pensée de mariage. Elle le jugeait sauvage seulement, entêté dans ses idées d'indépendance, mais doux, franc et capable de bien comprendre les choses bonnes qui viennent tout droit du cœur. Qu'allait-il éprouver en la retrouvant là, pauvre, dans cette chaumière presque en ruine? Bien pauvre, oh oui, car la grand-mère Mohan, n'étant plus assez forte pour aller en journée aux lessives, n'avait plus rien que sa pension de veuve. Il est vrai, elle mangeait bien peu maintenant, et toutes deux pouvaient encore s'arranger pour vivre sans demander rien à personne. La nuit était déjà tombée quand elle arrivait au logis. Avant d'entrer, il fallait descendre un peu sur des roches usées, la chaumière se trouvant en contrebas de ce chemin de Ploubazlanec, dans la partie de terrain qui s'incline vers la grève. Elle était presque cachée sous son épais toit de paille brune, tout gondolé, qui ressemblait au dos de quelque énorme bête morte, effondrée sous ses poils durs. Ses murailles avaient la couleur sombre et la rudesse des rochers, avec des mousses et du cochléaria formant de petites touffes vertes. On montait les trois marches gondolées du seuil et on ouvrait le loquet intérieur de la porte au moyen d'un bout de corde de navire qui sortait par un trou. En entrant, on voyait d'abord en face de soi la lucarne, percée comme dans l'épaisseur d'un rempart et donnant sur la mer d'où venait une dernière clarté jaune pâle. Dans la grande cheminée flambaient des brindilles odorantes de pain et de hêtre que la vieille Yvonne ramassait dans ses promenades le long des chemins. Elle-même était là, assise, surveillant leur petit souper. Dans son intérieur, elle portait un serre-tête seulement pour ménager ses coiffes. Son profil, encore joli, se découpait sur la lueur orange de son feu. Elle levait vers Go ses yeux jadis bruns, qui avaient pris une couleur passée, tournée au bleuâtre, et qui étaient troublés, incertains, égarés de vieillesse. Elle disait toutes les fois la même chose. « Ah, mon Dieu, ma bonne fille, comme tu rentres tard ce soir !»« Mais non, grand-mère, » répondait doucement Go qui y était habitué. « Il est la même heure que les autres jours. » « Ah, me semblait à moi, ma fille, me semblait qu'il était plus tard que de coutume. » Elle soupait sur une table, devenue presque informe à force d'être usée, mais encore épaisse comme le tronc d'un chêne. Et le grillon ne manquait jamais de leur recommencer sa petite musique à son d'argent. Un des côtés de la chaumière était occupé par des boiseries grossièrement sculptées et aujourd'hui toutes vermoulues. En s'ouvrant, elle donnait accès dans des étagères où plusieurs générations de pêcheurs avaient été conçus, avaient dormi, et où les mères vieillies étaient mortes. Aux solives noires du toit s'accrochaient des ustensiles de ménage très anciens, des paquets d'herbes, des cuillers de bois, du lard fumé, aussi de vieux filets, qui dormaient là depuis le naufrage des derniers fils Mohan, et dont les rats venaient la nuit couper les mailles. Le lit de Go, installé dans un angle avec ses rideaux de mousseline blanche, faisait l'effet d'une chose élégante et fraîche, apportée dans une hutte de Celte. Il y avait une photographie de Sylvestre en matelot, dans un cadre, accroché au granit du mur. Sa grand-mère y avait attaché sa médaille militaire avec une de ces paires d'ancre en drap rouge que les marins portent sur la manche droite et qui venait de lui. Gault lui avait aussi acheté à Paimpol une de ces couronnes funéraires en perles noires et blanches dont on entoure en Bretagne les portraits des défunts. C'était là son petit mausolée, tout ce qu'il avait pour consacrer sa mémoire dans son pays breton. Les soirs d'été, elle ne veillait pas, par économie de lumière. Quand le temps était beau, elle s'asseyait un moment sur un banc de pierre devant la maison et regardait le monde qui passait dans le chemin un peu au-dessus de leur tête. Ensuite, la vieille Yvonne se couchait dans son étagère d'armoire et Gault dans son lit de demoiselle. Là, elle s'endormait assez vite, ayant beaucoup travaillé, beaucoup marché, et songeant au retour des Islandais, en fille sage, résolue, dans un trouble trop grand.